va fòt mwen. Si tout moun chamiel deye mwen, se mwen misye si wò batri, se mwen ki sik so se dan miel. Depi lontan lison, polison, yo ka di man polison, polison. Depi lontan lison, polison, mwen ka pran yon tout fason, polison. Misye polison, polison, pa ni pe pou sosison, polison. Se mwen ki polison, polison, mwen ke rakonte wò chanson. Saucisson, mi jodi mwen ni dwa brevon, ba yo mwen pa ni komisyon, mwen polisson, se rectifye la position. Ay, se pa fòt mwen, si mwen ni flè dan jardin. Chapin doubou, quand t'as parlé tout fait le tigresse, qu'après soupir.